piene clargheri li compagni so pare ma le fisti d'animo con basso prepare avec che le fieri joyeux il porto leur armure et quel feu dans leurs yeux tout cœur frémit en leur chant de victoire froid, insensible à la gloire. Thank you. Yeah. Hélas, douchant du ciel, pourquoi dans sa poussière réveiller le maudit hymne de la prière? Pourquoi soudain venir y branler mon dessein? Encore rafraîchissent mon sein, chant plus doux que l'orée, retentissent le cœur, mille larmes ont coulé. Je t'admire, docteur. Les pieux avalés de ces cloches d'argent pour charmer grandement tes oreilles troublées. Et donc es-tu, toi, dans l'ardeur d'or, pénètre ainsi que l'éclat d'un poignard? Et qui, comme la flamme, brûle et dévore l'âme. Vraiment, pour un docteur, la demande est frivole. Je suis l'esprit de vie, c'est moi qui console. Je te donnerai tout le bonheur, le plaisir, tout ce que pourrait. Démon, fais-moi voir tes merveilles. Certes, j'achèterai tes yeux et tes oreilles. Au lieu de t'enfermer, triste comme le ver qui range tes bouquins, viens, suis-moi, ma jeuneur. J'y consens. Partons tout pour connaître la vie et laisse le fatras. Toute ta philosophie. Ici, vins et chansons réjouissent la vie. Yeah. Bestialité dans toute sa cordeur. Par un chant sur un sujet non moins touchant. que la vôtre. autres esprits, je suis content de vous. Percy, Percy. Yeah. Derrière toi, où tu la perds. Bien, mes folies et moi, nous allons vous chanter belle et petite larme. Oh, calme-toi. Thank you. Capricieux, voglier malfaisade, vous charmez d'une fois, et la manée à nous, au nom du diable, à danse. Et vous, marquez bien la cadence, les nettoyez d'enfer, vous, je vous éteins tous. Thank you.

Adieu.

我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽。